Durant les 3 années de sa vie terrestre, le Seigneur Jésus s'est entretenu de toutes sortes de sujets avec ses disciples. Cependant, à la fin de sa vie, il avait encore un testament spirituel à leur léguer, et un incident survenu à la sortie du temple dans les jours précédant son arrestation allait lui fournir l'occasion d'aborder le sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, l'avenir. Or, s'il est un thème propre à nous intéresser à notre tour, c'est bien celui-là. Ouvrons donc nos Bibles au chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu, où nous voyons Jésus sortant du temple de Jérusalem avec ses disciples. Ce temple, quel édifice merveilleux! Beaucoup plus grand et plus beau que celui construit par Zorobabel au retour des captivités 5 siècles auparavant. Plus imposant même que celui du roi Salomon que nous dépeignent les livres bibliques des Rois et des Chroniques. Ce temple vient d'être achevé par Hérode le Grand. C'est l'une des 7 merveilles du monde. Pierre, Jean, Jacques et André s'arrêtent pour l'admirer. Et le texte nous dit qu'ils ont attiré l'attention du Seigneur pour lui en faire remarquer les constructions. Matthieu 24, 1. À son tour, le Seigneur se retourne et regarde. Puis il surprend ses disciples par une remarque bien inattendue. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 2. Intrigués, les disciples souhaitent que le Seigneur s'explique. Mais ce qu'il a à leur dire est si important qu'il prend la peine de les conduire à l'écart sur le mont des Oliviers pour s'asseoir avec eux et poursuivre l'entretien. Tout de suite, les disciples lui posent 2 questions. La première, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? La seconde, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont mis ensemble la destruction du temple et l'avènement du règne de Christ, supposant que les 2 événements coïncideraient dans le temps. Mais plus de 19 siècles les sépareront l'un de l'autre. Et pour le Seigneur, la destruction du temple ne sera qu'un incident de parcours dans l'histoire locale, alors que les événements annonciateurs de son retour ici-bas bouleverseront la planète entière. Au fait, ce qu'il a prophétisé de la destruction du temple suffit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les disciples n'ont pas besoin d'en savoir plus. En effet, 40 ans plus tard, en l'an 70, quand les armées romaines envahiront la Palestine, le temple sera détruit. Le général Titus, qui deviendra empereur par la suite, prendra pourtant un soin spécial pour recommander à ses légions d'épargner le temple. Mais, selon le verdict du Seigneur, ces pierres seront renversées malgré Titus. Les Juifs assiégés, persuadés qu'au dernier moment le Tout-Puissant prendra leur défense, se barricaderont à l'intérieur du sanctuaire. Et quand, après des semaines de siège et de vaines attaques meurtrières, un soldat romain excédé lancera un brandon allumé à l'intérieur du lieu saint et que les riches tentures s'embraseront, les défenseurs israélites, s'attendant toujours au miracle, laisseront à Dieu le soin d'éteindre cet énorme brasier et ils périront brûlés vifs. Il ne restera alors du temple, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Cependant, après s'être assis sur le mont des Oliviers, Jésus n'a pas parlé à ses disciples, ni de l'invasion de Titus, ni de la destruction du temple, et encore moins de la dispersion séculaire du peuple juif qui allait en résulter. Il voulait mettre tout l'accent sur sa 2e venue ici-bas, répondant ainsi essentiellement à la 2e question des disciples relative aux signes de son avènement. Non pas un seul signe, mais plusieurs. Personnellement, j'en ai repéré 12 et je doute les avoir tous découverts. C'est donc une riche matière que nous aurons l'occasion d'aborder durant ces prochaines semaines, puisqu'elle remplit un chapitre de l'Évangile selon Marc, le chapitre 13, puis un chapitre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 21, et surtout près de 100 versets dans les chapitres 24 et 25 de Matthieu auxquels nous vouons cette étude. Le discours du Seigneur sur le mont des Oliviers s'ouvre par un solennel avertissement. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 4. Pour Jésus, le premier signe annonciateur des temps de la fin ne sera pas une guerre ou un tremblement de terre, mais la séduction. Pourquoi? Dans les décennies précédant l'avènement de Jésus comme roi ici-bas, Satan agira en sachant que son temps est court et sa condamnation irrévocable. Aussi redoublera-t-il d'ardeur et de ruse en jouant ses dernières cartes pour fourvoyer ses victimes. Il fera tout pour empêcher les hommes de se mettre en règle avec Dieu et de se préparer au retour de Christ ici-bas. Il avancera sur l'échiquier planétaire ses faux prophètes et ses faux Christs, tant et si bien que d'innombrables créatures désabusées, peut-être sincères, mais souvent naïves, seront désarmées devant ses subtiles méthodes. D'où ces précisions apportées par Jésus à ses disciples, verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Les disciples avaient été pendant 3 ans au bénéfice de l'enseignement de Jésus-Christ. Pourtant, ils étaient vulnérables aux manifestations sournoises de l'erreur. Or, si au 1er siècle, les apôtres ont dû veiller et prier pour être gardés des faux docteurs de leur époque, à combien plus forte raison devons-nous, au seuil du 21e siècle, reconnaître notre vulnérabilité devant les séductions modernes? Aujourd'hui, Satan ne se contente pas de faire miroiter devant les foules des bonheurs illusoires. Il voue une attention spéciale aux chrétiens qui, par leur témoignage, entravent ses conquêtes maléfiques. Aussi cherche-t-il à les troubler, les ébranler et amoindrir leur résistance spirituelle pour ensuite mieux les fourvoyer dans des voies où ils s'égareront à poursuivre des chimères pendant que lui-même subjuguera le monde. Ce fait est tellement capital et prioritaire dans les préoccupations du Seigneur que, presque avant d'entrer en matière dans son enseignement prophétique, il entend réveiller les disciples au péril de la séduction. C'est un peu comme si, à ses yeux, la séduction était le plus important des signes des temps de la fin, faisant pâlir tous les autres. Et c'est étonnant alors que les apôtres, devenus par la suite les écrivains sacrés du Nouveau Testament, aient été unanimes pour considérer la séduction comme une caractéristique essentielle des derniers temps. Écoutons saint Paul. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Et l'apôtre Pierre déclare « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » 2 Épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Même son de cloche dans l'Épître de Jude, versets 3 et 4. « Je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » L'erreur se glisse donc en pleine Église. Les faux apôtres se mêlent aux vrais disciples, se camouflant derrière un amour trompeur pour déformer le message de l'Écriture sainte et interpréter de manière tendancieuse certains passages de la Bible. Pourtant, la sonnette d'alarme n'a cessé de retentir. « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Malheureusement, beaucoup de chrétiens mettent aujourd'hui cette sonnette d'alarme en sourdine. Au lieu de rechercher en priorité le don du discernement, ils se lancent à la poursuite de dons spirituels douteux. Et l'on préfère souvent le spectaculaire à la vie spirituelle réelle, l'émotion à la foi, l'autorité de l'expérience à celle de l'Écriture sainte. Ah, reconnaissons en cet instant à quel point l'exhortation solennelle « Prenez garde que personne ne vous séduise » nous concerne chacun personnellement. Chers auditeurs, auriez-vous subi, consciemment ou non, l'anesthésie des séductions de l'heure présente? Auriez-vous été troublé par une interprétation qui ne cadre pas avec ce que l'apôtre appelle « la foi » transmise au saint une fois pour toutes? Jude, verset 3. c'est-à-dire la présentation équilibrée du message biblique considéré dans son ensemble? Ou bien, ne seriez-vous pas au clair sur tel ou tel point de doctrine et souhaiteriez-vous l'explication d'un texte de la Bible particulièrement malmené par les faux docteurs de notre époque? Faites donc appel à des serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider de la bonne manière. Je suis personnellement reconnaissant aux conducteurs spirituels qui m'ont aidé lorsque j'en avais besoin. Alors, soyons assez humbles pour crier au secours quand nous ne savons pas où est la vérité ou quand nous ne savons plus où elle est. Chers auditeurs, ne cherchez pas à résoudre tout seul des problèmes qui vous dépassent et n'attendez pas notre prochaine émission sur les ondes au sujet de Matthieu 24 et 25 pour vous faire aider.